Service français de Olinda Radio. Restez à notre écoute, c'est Olinda Radio Delhi. Vous allez maintenant écouter un conte folklorique. Il était une fois un grand empereur Akbar. Il décida un jour d'aller chasser dans les forêts du Bihar. Il chassait enfin et a été mené loin de ses hommes dans la forêt où il s'égara. Il était fatigué et avait même soif. Il vit des fermiers travaillant dans les champs. Il demanda à l'un d'eux de lui donner quelque chose à manger et à boire. Le fermier mena l'empereur vers sa petite hutte où il offrit son repas simple qu'il avait apporté de la maison. L'empereur avait faim aussi, alors il l'accepta. Il était très content de son hôte et lui dit de le contacter quand il en aurait besoin. Le fermier ne savait pas que l'homme devant lui était l'empereur. Il lui demanda son nom et où il habitait. L'empereur lui dit qu'il s'appelait Akbar et qu'il habitait à Delhi. Des jours et des mois s'écoulèrent. Après 2 ans, l'eunuque témoigna de la sécheresse. La récolte n'était pas bonne. Le fermier a été obligé de vendre tout ce qu'il possédait pour nourrir sa famille, mais il devint difficile de survivre. Sa femme se rappela de l'invité et de sa promesse et conseilla le fermier d'aller à Delhi et de demander de l'aide à son amant Akbar. Sa femme aussi Elle ne savait pas que c'était le grand empereur. La famille quitta son village à la recherche de son amie Adélie. Elle demanda à beaucoup de personnes, mais personne ne comprit ce qu'il disait à cause de la façon qu'il parlait de l'empereur. Mais l'un d'eux le dirigea vers le palais. Heureusement, c'était le jour de l'année que l'empereur distribuait lui-même des cadeaux aux pauvres. Le fermier aussi entra dans le palais et personne ne l'arrêta à la porte car c'était le jour de la distribution des cadeaux par l'empereur. Le fermier était si simple et pauvre qu'il ne se rendit même pas compte que c'était le palais et qu'il allait rencontrer l'empereur. Quand il vint près de Harper, il a été demandé de s'asseoir à côté de lui. Mais le pauvre fermier ne savait pas qu'il était avec l'empereur. Assis à côté d'Akbar, il lui raconta son histoire et lui demanda de l'aider. L'empereur lui donna beaucoup de monnaie d'or et les gens tout autour lui dirent également qu'il était dans la cour de l'empereur. Le fermier était tout étonné et très ravi aussi. L'empereur lui demanda de rester dans le palais pour quelques jours. Que le fermier accepta volontiers. Le soir, quand l'empereur offrit des prières, le fermier demanda aux courtisans ce qu'ils faisaient et pourquoi. L'un des courtisans lui répondit que l'empereur faisait des prières et demandait encore la prospérité et les richesses aux dieux. C'était Dieu seul qui était capable de donner le pouvoir et les richesses aux hommes. Le fermier pensa alors que si l'empereur lui-même mendiait auprès de Dieu, alors il ne serait pas juste de prendre de l'argent qu'il lui a donné. Il serait naturellement mieux de demander directement à Dieu. Et il retourna tout l'argent à l'empereur et rentra dans son village. Quelle simplicité et quelle sincérité. Que peut-on dire de tout cela? Eh bien, de nos jours, nous ne trouvons pas une telle simplicité, même dans les villages, c'est-à-dire des régions urbaines et des villes métropoles. Mais croyez-moi, il y avait un temps où les gens étaient si simples, si humbles et si innocents. Je pense que dans le profond de nos cœurs, nous sommes tous aussi simples et aussi innocents. Mais il paraît que nous avons quand même perdu notre innocence et notre simplicité, vu les temps difficiles. Cherchons-les et retrouvons-les dans le profond de nos cœurs. Il faudra faire un voyage vers l'intérieur de soi-même, vers la conscience de soi-même, vers l'âme, vers l'absolu et vers la vérité ultime. Alors, bonne chance et bon voyage. Vous venez d'écouter un conte fantastique. Vous êtes à l'écoute du service français de Olinda Radio Delhi. Restez à notre écoute. Vous allez même bien écouter la musique folklorique. Lahore ka tan chal ghuma, Lahore ka tan Thank you. De Hollande Radio Télé. Restez à notre écoute. Avant de terminer notre programme de ce soir, nous allons maintenant écouter le programme illustré sur Valmiki, le grand saint de l'Inde. On peut prendre pour le petit Hollande et célébrer que Valmiki, ou bien commenter avec respect Mahaprabhu Valmiki, auquel est attribuée la paternité du Ramayana, la grande épopée de notre pays. D'après la tradition, ce grand peintre aurait été dans sa première jeunesse un enfant de grand chemin. Il s'appelait à cette époque Ratnakara, c'est un écrivain redoutable qui terrorisait la campagne qu'il habitait. Mais il fut délivré de son état par un acte divin pour devenir l'un des plus grands peintres du monde. Il existe plusieurs versions sur sa transformation de Ratnakara en un grand sage. Il paraît qu'un jour, les Tattachas, les sept sages célestes dans Narada, passaient par la forêt qui était le repère de Ratnakara et sa bande de trigons. Lorsque ces derniers se mirent à décrire la sage, ils demandèrent au chef abandon Ratnakara s'il serait prêt à accepter la responsabilité de ses crimes. Il leur répondit que puisqu'il faisait tout cela pour nourrir sa femme et ses enfants, on ne pouvait pas le reprocher de ses actes. Les sages lui proposèrent alors d'aller demander à sa femme et à ses enfants s'ils étaient prêts à accepter le châtiment pour des péchés commis par lui pour leur bien. Et lorsque le dandy leur posa cette question, ils lui rappelèrent qu'il n'était pas responsable de la manière dont il remplissait son devoir de soutenir sa famille. Triste et bouleversé, Ratnakara revint auprès des sages célestes pour leur demander conseil. Ces derniers lui dirent de répéter sans cesse le mot Rama en un seul médium. Et ainsi, le bandit Ratnakara se plongea dans une longue méditation si profonde qu'il perdit conscience du monde. Il resta ainsi dans cet état de méditation pendant très longtemps. Avec le passage du temps, des fourmilières se formèrent autour de lui en courant entièrement. Après plusieurs années, lorsqu'un sacerdoce traversait le même endroit, il se rendit compte de ce qui s'était passé. Et grâce à leur pouvoir magique, il fit sortir Ratnakara de cette fourmilière. Ce dernier se réveilla et s'humilia devant les sages célestes. Et Narada lui dit que dorénavant, il serait connu comme Valmiki, ou celui qui a sorti d'un dalek ou fourmilière. Valmiki commença à envoyer des avantages au bord de la rivière Tanche, et c'est là qu'il composa la grande épopée du Ramayana. Dans le Ramayana, les premières sections parlent d'un rishi ou sage habitant au bord de la rivière Tanche. Dans une autre version, on fait aussi l'incident d'un couple d'oiseaux de la famille Tanche, ou le Kurli. Il s'agit de l'époque d'un outil du voyageur devant l'Ermitage. Un jour, lorsqu'un chasseur tua le mâle d'un couple corrompu, la femme s'est assujée de la mère de son compagnon. En voyant sa souffrance, Valmiki s'émut et prononça une malédiction contre ce chasseur si cruel. Née d'une tristesse profonde ou d'un chanta, ses paroles prirent la forme d'un chanta au vers réduite pour réciter des prières religieuses. C'est ainsi que Valmiki se vit baigné de la parole divine pour écrire plus tard le Ramayana. Le poète Tagore s'est servi de sa dernière version pour composer sa toute première pièce musicale, Valmiki Pachitra, ou La révélation du génie de Valmiki. La pièce commence par la vie de Valmiki à l'époque où il était bandit, vivait dans la forêt, entouré de sa bande de tridents. Comme d'habitude, on se préparait au moins à exécuter un sacrifice à l'autel de Kali, dont il s'appelait Davo Servant. Are bol re shama mai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai jai. Juste avant de mourir, la fillette tourne vers le chef des tridents et lui supplie de la sauver. Do you know? তোরা শোন হে আদেশ কৃপান কর পর ফেলে দে দে বাঁধন কর চিহ্ন এখনই রে Il ordonna la mise en liberté de la petite fille, malgré les vives protestations de ses compagnons. Valmiki renonça au culte de la violence. Il quitta l'endroit et commença à errer dans la forêt, troublé de ses mauvaises émotions et cherchant la tranquillité. Plusieurs fois, il pensait à la chasse et tenta de se distraire en s'adonnant à ses sports. Mais en pleine forêt, il vit un chasseur tuer la mort d'un couple d'oiseaux. Il fut profondément ému, pris de pitié et de compassion. La parole divine jaillit de son cœur. Il s'étonna lui-même des paroles étranges qu'il venait de prononcer. Et pourtant, il se sentit à nouveau d'un pays immense. Soudain, il vit une lumière qui s'approchait de lui. La déesse Saraswati parut devant lui dans toute sa splendeur. Et il s'agenouilla devant elle, qui est la danse de la connaissance suprême. Elle lui bénit du don de la poésie et de la musique. এসেছিনুম এই ঘোর বন মাঝে গলাতে পাষাণ তোর মন কেন বৎস শোন তাহা শোন আমি বিনা পানি তোরে এসেছি শেখাতে গান তোর গানে বলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ যে রাগিনী শুনে তোর Qui a atteindré ton cœur cruel se transformera dans ta voix en la musique de l'humanité, à ton son des milliers de cœurs humains. L'écho de ta voix retentira des Himalayas jusqu'aux mers, et les peuples s'inspireront de tes chants. Et Saraswati offre à Valmiki sa villa. C'était le commencement du génie de Valmiki, l'auteur de la grande épopée de Ramayana. Nous venons d'écouter le conte enregistré sur le grand saint de l'Inde, Valmiki. Ici Delhi, émission d'outre-mer de Ce programme enchanté nous faisait tous les soirs de 19h30 à 20h30 de temps universel sur 9620 kHz. Cette émission est destinée à nos auditeurs en Europe occidentale et au Royaume-Uni. Ce rôle nous attendons avec impatience, vous laissez vos suggestions, vos rapports d'écoute et toutes vos questions. Voici notre adresse, service français, émission d'outre-mer, All India Radio, boîte postale 500, New Delhi, Inde. Je voudrais également vous dire que vous pouvez également nous envoyer email à frenchspt@gmail.com. FrenchSPT, FrenchSPT@gmail.com. Et aussi à frenchest.ian21@gmail.com. frenchest.ian21@gmail.com. Ici Delhi, émission d'outre-mer de All India Radio. Nous allons maintenant lancer notre programme de ce soir, qui est diffusé tous les soirs entre 19h30 et 20h30 de temps universel sur 9620 kHz et aussi sur le mode TRM. Chers amis, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Bonsoir, maintenant. That's all we have in this edition of DD India News. let's know your thoughts on the news of the day. You can connect with us on Facebook, X, formerly Twitter, and Instagram. We'll be back with more news as a break here on DD India. I'm Mark Lynn. From all of us here in Delhi, thanks very much for watching DD India News Hour. Namaskar.